Cependant, le projectile avait atteint la hauteur du 40e degré de latitude lunaire à une distance qui ne devait pas excéder les 800 km. Les objets apparaissaient dans le champ des lunettes comme s'ils eussent été placés à 2 lieues seulement. Dans ce vide où flottait le projectile, aucun fluide ne s'interposait entre l'œil de l'observateur et l'objet observé. De plus, Barbicane se trouvait ramené à une distance que n'avaient jamais donnée les plus puissants télescopes. Il était donc dans des conditions extrêmement favorables pour résoudre cette grande question de l'habitabilité de la Lune. Cependant, cette solution lui échappait encore. Il ne distinguait que le lit désert des immenses plaines et, vers le nord, d'arides montagnes. Pas un ouvrage ne trahissait la main de l'homme. Pas une ruine n'attestait son passage. « Ah, ça !» dit Michel Ardan, d'un air un peu décontenancé. « Il n'y a donc personne ?»« Non, » répondit Nicholl, « jusqu'ici. Pas un homme, pas un animal, pas un arbre. » « D'ailleurs, » ajouta Barbicane, « même pour la vue la plus perçante, un homme n'est pas visible à une distance supérieure à 7 km. Donc, s'il y a des sélénites, ils peuvent voir notre projectile, mais nous ne pouvons aller voir. » Vers 5 heures du matin, la limite septentrionale de la mer des pluies était enfin dépassée. La Lune, n'ayant pas d'atmosphère, cette absence d'enveloppe gazeuse a des conséquences déjà démontrées. Point de crépuscule à sa surface, la nuit suivant le jour et le jour suivant la nuit avec la brusquerie d'une lampe qui s'éteint ou s'allume au milieu d'une obscurité profonde. Que l'on juge de l'impression produite par cet étrange aspect sur Barbicane et sur ses deux amis. Leurs yeux étaient déroutés. Ils ne saisissaient plus la distance respective des divers plans. Des taches d'encre sur une page blanche, c'est tout. Cet aspect ne se modifia pas, même quand le projectile passa à moins de 50 km de la montagne de Riora, distance que les lunettes réduisaient à un demi-quart de lieue. Soudain, le projectile dépassa la ligne de démarcation entre la lumière intense et l'ombre absolue, et fut subitement plongé dans une nuit profonde.